Il me semble de voir assez clairement la suite de tout ce que j'ai marqué dans ce livre. Cependant, je crois me rappeler dans le même intervalle un autre voyage de Lyon dont je ne puis marquer la place et où je me trouvais déjà fort à l'étroit. Une petite anecdote, assez difficile à dire, ne me permettra jamais de l'oublier. J'étais un soir, assis en belle cour, après un très mince souper, rêvant au moyen de me tirer d'affaire, quand un homme en bonnet vint s'asseoir à côté de moi. Cet homme avait l'air d'un de ces ouvriers en soie qu'on appelle à Lyon des taffetatiers. Il m'adressa la parole. Je lui réponds. Voilà la conversation liée. À peine avions-nous causé un quart d'heure que, toujours avec le même sang-froid et sans changer de ton, il me propose de nous amuser de compagnie. J'attendais qu'il m'expliquât quel était cet amusement. Mais, sans rien ajouter, il se mit en devoir de m'en donner l'exemple. Nous nous touchions presque, et la nuit n'était pas assez obscure pour m'empêcher de voir à quel exercice il se préparait. Il n'en voulait point à ma personne, du moins, rien n'annonçait cette intention, et le lieu ne l'eût pas favorisé. Il ne voulait exactement, comme il me l'avait dit, que s'amuser et que je m'amusasse, chacun pour son compte. Et cela lui paraissait si simple qu'il n'avait même pas supposé qu'il ne me le parut pas comme à lui. Je fus si effrayé de cette impudence que, sans lui répondre, je me levai précipitamment et me mis à fuir à toutes jambes, croyant avoir ce misérable à mes trousses. J'étais si troublé qu'au lieu de gagner mon logis par la rue Saint-Dominique, je courus du côté du quai et ne m'arrêtai qu'au-delà du pont de bois, aussi tremblant que si je venais de commettre un crime. J'étais sujet au même vice. Ce souvenir m'en guérit pour longtemps.